Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 23 juin, il est 21h, nous sommes sur Radio Fadjet, vous êtes dans l'émission Le Nouvel Explorateur avec l'animateur Corentin. Et aujourd'hui, nous allons voir une ville de Suisse qui est soit Zurich, soit Lausanne, soit Lucerne. Je vous laisse deviner. Et nous écouterons des musiques dans l'ordre anglaise, française, italienne et allemande. Et maintenant, il est temps d'écouter une musique anglaise. Cette musique anglaise, c'est Time Like This, de Terre Trizy, sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Man, it's times like this. I remember that I used to pray for times like this. Now my lifestyle lit, and I got feds on my case, but I guess it's just the life I live. And I got too much to lose. I had 100 in jewels way before trapping was cool. She liked how I move, but if it weren't for the money or the fame, she wouldn't answer my calls. Streets getting cold, thinking who can I trust? You get a butter knee if you scraped up the dust. You ever put the Rex on the stove and it bust? Now I'm scrolling down my phone list like who's getting sucked. I'm having devilish thoughts, it's the streets that I blame. I had racks before rap, couldn't care about the fame. You better talk big figures when you mention my name. Young boy really spent 24 on my chain. You ain't been up in these streets, you just rap like you was. See my dream come true from a Rex and a pop. Now I walk up in arrows, I don't care about the cost. Thought about quitting this when I first took a loss. Now my Givenchy shoes cost a Z of the loose. I couldn't care about views, I'm still dubbing food. I had a brick up in a tray, had to pray that I still didn't lose. Man, it's times like this. I remember that I used to pray for times like this. Now my lifestyle lit, and I got feds on my case, but I guess it's just the life I live. And I got too much to lose. I had 100 in jewels way before trapping was cool. She liked how I move, but if it weren't for the money or the fame, she wouldn't answer my call. Same bracelet as Miss, I wear art for the shit. Bugs Bunny wrist, that's from drug money flips. I was posted on the strip, put my line down the jib. Now you catch me overseas and I don't move a bit. Slipped up once, they try and hit me with a Rico. Gave my lawyer straight cash, I didn't even reach trial. Now I'm living uptown, they really want me down. Day 840, I might cop me the green. Never catch me in a date, just as minimum 30. Still screaming free money, he got minimum 30. I could've signed, but I made more off the dirty. Now my re-up too big, I can't tell them it's Percy. I was living in country, now I'm never in the country. Shoes cost a monkey, man, I'm really living luxury. Would've thought it swarmed, way I hit him with a pumpy. This rap really need me, man, I'm sick of all this fuck. Man, it's times like this. I remember that I used to pray for times like this. Now my lifestyle lit, and I got feds on my case, but I guess it's just the life I live. And I got too much to lose. I had 100 in jewels way before trapping was cool. She liked how I move, but if it weren't for the money or the fame, she wouldn't answer my calls. Man, it's times like this. I remember that I used to pray for times like this. Now my lifestyle lit, and I got feds on my case, but I guess it's just the life I live. And I got too much to lose. I had 100 in jewels way before trapping was cool. She liked how I move, but if it weren't for the money or the fame, she wouldn't answer my calls. C'était Terre Trizy pour Time Like This sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et j'ai maintenant le temps de passer à la musique française qui est Ella pour MCMC sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Je m'efface souvent. C'est vrai, je plane à plein temps. Mais dans ma tête volent des mots. Tourne les tourments. Parfois mon corps se décide. Quand mon âme est indécise, il se dirige fragilement. C'est comme marcher sur un fil. Que puis-je faire quand chacun de mes pas pèse des tonnes? J'ai le souffle court quand t'arrives. Les soirées mondaines, 16 heures à peine. J'ose exister, j'ose dire. À quel point dans tous mes silences, je vois dans vos yeux ignorants. cet oubli cruel que mérite-t-il ce fantôme au regard absent? Que puis-je faire quand chacun de mes pas pèse des tonnes? Prisonnière d'un corps qui trop souvent se désaccorde, c'est moi contre mon corps. J'aime ma silhouette qui se noie sous les ombres, les demi du miroir caché par la pénombre. Quand viendra la paix entre moi et mon corps? Et là, pour moi contre mon corps, donc, surtout Vajet est dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons voir la ville de Lucerne, en Suisse, ou tout du moins, ce qu'il y a à y faire. Eh bien, nous pouvons y faire une visite du pont de la chapelle de Lucerne, en allemand Keppelbrook. C'est le symbole de la ville, et même l'un des grands symboles de la Suisse, avec le Cervin, le plus ancien pont couvert en bois d'Europe, et le deuxième plus long avec ses 204 mètres. Construit au 14e siècle pour traverser la rivière Reuss. Il subit un important incendie en 1993 qui lui valut presque d'être entièrement détruit. Mais il fut très rapidement construit à l'identique. Impossible de ne pas conserver cet emblème, cher aux Lucerniens, aux Lucernois et aux Suisses en général. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble le pont de la chapelle de Lucerne, c'est le pont en bois qui est sur l'eau, avec des briques au-dessus, avec une tour en pierre, et avec cette tour, elle a un toit en pyramide. Je ne sais pas trop si vous voyez, mais c'est très facilement reconnaissable. Cette tour, elle est blanche. Le toit de la tour, il est marron. Enfin, j'espère vraiment que vous avez compris, que vous voyez à quoi ça ressemble. Et que faire ensuite? Il y a le pont de Luivray, le Spreerbroek, et un plus petit pont couvert en bois traversant la Reuss. C'est moins célèbre que son grand frère. Il n'en demeure pas moins magnifique. De plus, si vous avez envie de fuir les touristes du pont de la chapelle, cela peut être une bonne option. C'est d'ailleurs celle prise par les Lucernois qui se traversaient la rivière. Comme le pont de Lucerne, il est décoré de panneaux peints. On trouve au Spreerbroek un ensemble de tableaux de Caspar Mengler intitulé « La danse des morts ». Ce pont est d'ailleurs parfois surnommé aussi « Pont de la danse des morts » en référence à ces panneaux. Ensuite, il y a le barrage à aiguilles. Le niveau d'eau du lac des quatre cantons est régulé par un ingénieux système, un barrage à aiguilles, Nadelwehr en allemand, qui est situé sur la Reuss, état du 19e siècle. Ces aiguilles en bois sont individuellement levées et abaissées à la main pour réguler le niveau de l'eau. Et aussi les façades peintes du centre historique. Il y a, après cela, l'église des Égides de Lucerne ou église Saint-François-Xavier. Et aussi la balade sur le rempart de Lucerne à faire. Et puis c'est déjà une grande partie des choses que vous pourrez faire à Lucerne, qui, je vous le rappelle, est dans la Suisse. Mais dans quelle partie de la Suisse? C'est en Suisse alémanique, c'est-à-dire dans le nord de la Suisse. Vous savez, pas loin de Munich, pas loin de Stuttgart. Enfin, quand je dis pas loin, c'est à peu près, mais c'est dans ces eaux-là. C'est au sud de l'Allemagne. Allez, il est temps de passer à la prochaine musique de l'émission, qui est une musique italienne. Cette musique italienne, c'est Fiori di Tchernobyl de Mitchell Rein, sur Tufaget, dans le Nouvel Explorateur. La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. anche se ci hanno spezzato le ali. Cammineremo sopra queste nuvole, passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente. Un albero che cade, che una foresta intera che cresce. Tengo i miei sogni nascosti dietro alle palpebre. Siamo fiori cresciuti dalle lacrime. Sei tutte quelle cose che non riesco mai a dire. Troverai un posto migliore un passo dopo la fine. Cammineremo a piedi nudi sopra queste spine, diventando forti per smettere di soffrire. Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Se questa notte piove dietro le tue palpebre, sarò al tuo fianco quando è l'ora di combattere. Portami con te, ti porterò con me. Tu mi hai insegnato che si cade per rinascere, che un uomo è forte quando impara ad essere fragile. Portami con te, ti porterò con me. Portami con te. C'était Mitch Ren pour Fury di Tchernobyl sur Fajet dans le Nouvel Explorateur. En avant pour la dernière musique de l'émission qui est Capital Bra et Lordana pour Nietzsche Verdient. Je répète, Capital Bra et Lordana pour Nietzsche Verdient sur Fajet dans le Nouvel Explorateur. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sie ist alleine im Hotel und sie zieht. Sie versucht zu vergessen, dass es mich gibt. Ja, sie versucht zu vergessen, dass sie mich liebt. Sie sagt, ich hab ihr Herz geklaut wie ein Dieb. Und ich flieg in Ferrari ein paar Runden drin. Keine Zeit für dich, mich von dir kommt und sehen. Und du schaffst mir deine Heiligkeit so unbequem. Deswegen lass ich die 6 Stunden stehen. Dein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Aber jedes dieser Worte ist eine Lüge. Ich kenne Frauen von deiner Sorte. Erzähl nicht, dass du liebst. Erzähl mir nicht, du hast Gefühle. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Noch gestern Abend waren wir zu zweit unterwegs. Und ich halte dir den Rücken frei, egal wie weit du gehst. Aber morgen wirst du merken, dass dir irgendetwas fehlt. Denn irgendwann ist alles auch zu spät. Du hast mich so enttäuscht. Ich schwör, ich meine es ernst. Ich hab mich so getäuscht. Ich dachte, du bist es wert. Ich hab mich so gefreut. Dir gehört mein Herz. Aber meine Tochter Hannah hält mir jeden Schmerz. Ja, wie oft hab ich für dich und für mich gekämpft. Ja, wie oft sagtest du mir, uns gehört die Welt. Ja, wie oft hab ich meinen Kopf vor dir gesenkt. Für dich war das eine Schwäche, doch für mich war das Respekt. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Sag mir nicht, du bist verliebt. Und sag mir nicht, dass du mich brauchst. Denn du hast meine Liebe nicht verdient. Du hast meine Liebe nicht verdient. Was geht ab, bra? C'était Capital Bra, Lordana pour Nice Verdi, Short Fudget dans le nouvel explorateur. Et je vous ai fait la description de la ville de Lucerne grâce au site carnetdescapade.com pour ceux qui veulent savoir de quel site ça vient. Et il nous reste 1 minute 30. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais donc vous laisser sur une note joyeuse, disons. Ça sera Capital Bra et Samla pour Tilidin sur Top Jet dans le Nouvel Explorateur. Si, si, si. Ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Yeah. Guck uns an, sieh nur, was aus uns geworden ist. Steig in den Sportwagen, flüchte bis ins Morgenlicht. Handschellen klicken, doch verrate nie, ein Bruder sitzt besoffen in der Bar. Bring Campari, Maracuja, Mann, ich fick dich eines Tages für die Twitter-Kommentare. Mein Humor all black, so wie bitter Schokolade. Roll im Lambo durch Monaco, stapel Kohle, so wie Fabregas. Kaki, Juventus, Jogginghose, Adidas. Ich hab mich tausendmal daneben benommen. Und tausendmal sind Mama die Tränen gekommen. Yeah. Paar Tropfen Pille, seh den Film an mir vorbeifahren. Lieber Gott, ich fühle mich so einsam. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Kapital, der Prater mit der Neunerwumme. Keiner wollte dran glauben, bis das Gucci Cappy teurer wurde. Ich bin in aller Munde, Stoff, die fressen aller Hunde. Alle Hater bluten, weil ich bin wie Salz in deiner Wunde. Kalte Sommer, heiße Winter, Geld, Fame, Frauen, Kinder, SDK, ein Pau wie Sprinter. Ist schon bitter, aber bra, ich steh dahinter. Ja, ich hab gelacht, obwohl ich innerlich gefickt war. Wählen Rapper, unsere Tracks biten, musste ich im Bandsides. Verkaufte Kokain, Kilos zu Dreckspreisen. Zahlst du nicht, du schmeckst Eisen. Ihr müsst euch festhalten, hier kommt 13 Nummer 1. Intro 6, Alter. Ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Teledin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. C'était Capital Bra et Samra pour Teledin sur Top Fudget dans le Nouvel Explorateur. Il est maintenant temps de se dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Est-ce qu'ils seront normalement le mardi 30 juin? Et peut-être que d'ici là, j'aurai des informations concernant mon exposition. Et aussi, si tout va bien, j'aurai aussi une grosse nouvelle à vous dévoiler la semaine prochaine. Il est maintenant temps d'envoyer le jingle et de se dire au revoir.